pour des remorques fiables, robustes et de qualité. C'est chez Remorque 2000 qu'il faut aller. Nous fabriquons des remorques pour tous les styles, que ce soit l'utilitaire, la cargo ou la gooseneck. Nous avons la remorque que vous cherchez. On peut même la fabriquer. Nous sommes distributeurs des marques québécoises. Remorque 2000, une entreprise 100% régionale. 643 rue de Quin, Dolbeau-Mistassini. 276-5343 ou remorque2000.com. Le propriétaire, M. Daniel Deschaines, souhaite la meilleure des chances aux organisateurs du Festival du Bleuet et invite la population à participer à l'événement. On va parler avec Bruno Boudreau. C'était la date limite des échanges cette semaine. Salut Bruno. Salut Dan, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Bruno, évidemment, c'était le fun de notre conversation avant d'entrer en onde parce qu'on a déjà... Moi, les Blue Jays, cette semaine, ils m'ont très déçu, surtout que j'avais pas une grande admiration vers Ross Haskins. J'ai jamais eu une grande admiration. C'est sûr que quand tu es un fan d'Alex Antopoulos puis tu vois ce que l'autre fait par après, ben, ça a été pas l'aimer. Sauf que tu étais un petit peu en accord avec moi, sauf que tu as lu un article de Steve Phillips et tu semblais accorder un petit peu de... Tu semblais être d'accord avec Steve Phillips. Moi, j'ai encore de la misère, même ce que tu me racontais en dehors des ondes. Donc, j'aimerais que tu racontes en ondes qu'est-ce que Steve Phillips racontait sur TSN. Moi, j'ai vu l'article, mais oui. Ben, en fait, tu sais, en gros, puis on est un peu d'accord, là, tu sais. Les Blue Jays, on en a parlé plusieurs fois cette saison. Ça perd un petit peu, là, du lustre qu'on avait réussi à remonter en 2015-2016. Mais en gros, ce que Phillips, il dit, c'est... Il faut que Shapiro puis Atkins ils réussissent vraiment, ben évidemment gagner ça va aider, mais il faut qu'ils réussissent à faire croire à ce qu'ils font aux partisans puis aux médias, parce qu'actuellement, puis tu m'as partagé des articles cette semaine, on voit les conversations sur les posts Facebook, tout ça, les gens réagissent, il y a beaucoup d'amateurs de baseball qui sont déçus de l'orientation que les Blue Jays prennent, mais lui ce qu'il dit c'est en gros, ben si tu reconstruis, regarde ce qui s'est fait ailleurs, la Philadelphie, à Houston, même il y a quelques années à Houston, c'était comme ça. Les foules avaient déserté le stade, puis on riait de l'organisation. Mais si tu décides de reconstruire, il va y avoir des périodes creuses. Puis dans les périodes creuses, si tu ne crois pas au plan, ben c'est bien difficile après ça. Puis ça met beaucoup de pression sur le GM. Puis ce qu'il faisait après ça, c'est de donner en détail ben, pourquoi il pensait que l'échange, exemple, de Aaron Sanchez et Biagini du côté de Houston, ça faisait du sens, même si Derek Fisher, on sait que c'est pas un joueur qui a réussi à s'établir jusqu'à maintenant, mais pour lui, c'est exemple, c'était des lanceurs que Sanchez, bon, il retrouve à peine sa confiance, mais il y avait beaucoup de misère cette saison, et Biagini, ben, c'est un releveur de milieu de peloton. Fait que pour lui, c'est comme, ben, t'essaies de quoi avec ce joueur-là comme voltigeur, puis tu réussis un succès. Les critiques vont dire, ouais, ben, ils ont été cherchés, puis ils ont mis beaucoup d'emphase sur un voltigeur, par exemple, comme Randall Grichuk, que ça donne pas grand-chose. On a signé qu'un contrat, puis finalement, il produit pas. Ben, effectivement, Grichuk peut être un bel exemple pour dire, ben, coudon, on va-tu juste avoir des joueurs de champ de ce calibre-là pour venir compléter tout notre avant-champ qui est en train de se développer avec Bijou et Vlad Jr. et compagnie. Donc, on peut comprendre les critiques, mais son point, c'était pour chacun des cas. Même chose pour Marcus Stroman. Il listait la liste de toutes les équipes potentielles. Puis quand tu regardes les équipes potentielles intéressées, il n'y a personne qui avait des lanceurs intéressants à échanger, puis c'est ça que les Blue Jays ont besoin. Donc, si eux ont jugé que Stroman avait sa valeur la plus grande en ce moment, bien, ils ont été chercher quand même du côté des Mets des lanceurs que eux jugeaient intéressants. Et à ce moment-là, ben ça peut juste leur donner en sorte d'avoir plus de bras dans les mineurs, soit qu'il y en a un ou deux qui va se développer dans tout l'autre lanceur qui ont été cherchés, ou sinon, ben ça leur donne des lanceurs aussi disponibles. Si dans 2 ou 3 ans, les joueurs comme Vlad, comme Bijou et compagnie deviennent Bichette et tout ça, deviennent le noyau fort de l'équipe offensivement, ben, tu pourras peut-être échanger ces jeunes lanceurs-là, ou du moins en avoir qui vont savoir développer pour avoir une rotation potable autour d'eux puis être capable de faire les séries. Puis, je pars en désaccord de ce point de vue-là. Par contre, pendant que tout ça, on se dit ça, il y a beaucoup de si là-dedans. Puis, c'est sûr qu'on peut avoir l'impression aussi qu'on va gaspiller les belles années à venir de Vlad Jr. et compagnie, parce que justement, on n'est pas capable non plus d'obtenir dans les échanges d'assez bons jeunes joueurs qui vont se développer. Donc, c'est un peu ça, la perception des médias, la perception des autres directeurs généraux. C'est un article intéressant, je pense, qui juste pour replacer un peu les éléments dans le contexte. Mais tu as obtenu 3 joueurs, comme je t'ai dit, tu as échangé 3 joueurs à Southeastern, puis tu n'as rien eu vraiment. Fisher, écoute, c'est pas Mike Trout, là. T'sais, c'est beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de mal à s'établir dans le baseball majeur. Donc, moi, ce que j'évalue tout le temps, pour évaluer un échange, il faut que tu regardes quelle équipe a obtenu le meilleur joueur. Et dans tous les échanges que les Blue Jays ont fait, beaucoup de suspects, hein? Ouais, ben, c'est surtout que les joueurs, puis tu sais. Oui, puis plus les joueurs, évidemment, il y en a beaucoup dans les joueurs obtenus qui sont pas dans le top 100. Ils sont tous pas dans le top 100 des futurs joueurs. Donc, c'est sûr que si tu regardes l'historique, la plupart des joueurs qui deviennent de bons joueurs ou de bonnes vedettes, là, au bout de 2-3 ans, sont souvent dans le top 100. C'est ceux qui s'établissent vraiment pour devenir très, très bons. Il y en a parfois qui arrivent en dehors du top 100. Par contre, en contrepartie, on n'a pas obtenu le meilleur joueur, mais en même temps, si tu regardes par exemple l'échange avec Sanchez et Biagini, ben, si tu n'as pas donné grand-chose, puis que finalement, Fisher, tu peux le mieux que tu peux, c'est peut-être frapper un voltigeur régulier dans 2-3 ans. Puis c'est un peu ça aussi qui est la problématique, c'est que tous les joueurs qui ont quitté l'organisation au cours des 2-3 dernières années, puis ça remonte à l'époque quand Donaldson est parti, qu'on a décidé de le garder, on n'a pas changé au bon moment. T'sais, il y a eu quand même, je pense, c'est comme la frustration de tous ces moments-là aussi. Cette année, je peux comprendre, puis là, je suis un peu d'accord avec Phillips, mais ça enlève pas toute l'amertume de « ouais, mais quand Donaldson, il était en feu, puis c'était le temps de l'échanger, puis on l'a pas échangé, puis qu'on n'a rien eu pour. » C'est comme l'accumulation de tout ça qui fait se dire que, ben regarde, là, les jeunes arrivent, on le voit cette semaine, ils sont excitants, ils ont de la vitesse, de la puissance, ça va vraiment être un bon noyau d'équipe. Mais tu sais, est-ce que ça va être suffisant pour justement les amener, par exemple, tu regardes les Astros, on en parlera tantôt comme clairement les gagnants de la date limite des transactions, ben est-ce que ce noyau-là va être assez fort si tu réussis pas à l'entourer de joueurs comme ça, puis en même temps, ces jeunes prospects-là, tu as raison, si c'est pas dans le top 100, puis tu veux les shipper dans un an ailleurs parce que tu veux reconstruire d'une autre façon ou que tes jeunes se développent, que tu deviens contender plus vite, ben il faut que tes jeunes joueurs se développent aussi des mineurs. Fait qu'il y aura aussi beaucoup de travail là-dedans de développement au niveau du réseau de filiales. Est-ce qu'on serait capable de développer ces joueurs-là qui sont peut-être 110, 115, 120 dans le top 100 puis de les faire arriver à 80, 85 pour qu'une autre équipe, après ça, te donne un bon joueur en échange? Il y a tout ça aussi qui est à tenir en ligne de compte. Fait que ça se fait sur une longue période de temps puis jusqu'à maintenant, ben ça fait 2 ans que c'est parti puis ça nous donne pas beaucoup d'espoir à part les jeunes qui ont poussé là, puis qui ont du parce succès. Que je regarde les Indiens Cleveland, ils ont Travis Bauer qui c'est un lanceur qui se compare un peu à Marcus Stroman. Peut-être Bauer est un petit peu meilleur, mais ils ont obtenu Yasiel Puig puis deux joueurs. Un autre joueur. Donc écoute bien là. Je sais pas. C'est... Moi, en tout cas, je vais dire une affaire. Je suis très, très déçu de cette organisation-là. L'article du Toronto Sun que je t'ai envoyé, écoute, disait, il avait raison. Là. Depuis que ces gens-là sont en poste, t'as perdu Encarnacion, t'as perdu, après ça, Donaldson, t'as perdu José Bautista, David Price, Kevin Pillar. Roberto Osuna, il y a Ken Jarvis qui l'a très bien remplacé, Marcus Stroman, Aaron Sanchez, puis t'as obtenu qui? Pas grand chose. Ouais. En contrepartie, tu sais, où ce que je vois peut-être justement le fait d'être patient un peu là-dedans, c'est quand tu prends l'exemple des Indians qui ont fait une belle transaction, mais les Indians en termes de modèle d'organisation là. Pourquoi les Indians sont aussi dominants depuis 4, 5, 6 ans, puis qui se maintiennent toujours au sommet malgré une masse salariale relativement faible? Ben toute l'équipe que tu vois là, c'est pas ceux qui sont là en place. C'est Atkins puis Shapiro qui ont monté ça à Cleveland. Ouais. Fait qu'il faut toujours, tu regardes un petit peu aussi si en 2022, 2023, 2025, mettons, dans ces années-là, pendant 4, 5 ans, les Blue Jays sont très dominants. Parce que tu es en train de faire ce que tu fais là en ce moment, ben si ce que les Indians font à Toronto, on a ça pendant 5 ans au début des années 2020, moi je vois pas de problème à ça. Mais en ce moment, comme on n'est pas sûr que ça va être ça, c'est facile d'avoir la critique. C'est un peu ça le point de Phillips, mais en même temps, ce que tu viens de dire est bon. On a changé quand même beaucoup de joueurs pour pas grand-chose. Tu regarde Donaldson, là. Donaldson, écoute, j'ai écouté le match des Braves, c'est mercredi, j'ai écouté le match des Braves. Il disait 15 circuits depuis le 11 juin. Tu sais, écoute bien, là, t'as rien eu, là. Ben, c'était un joueur par excellence. C'était le joueur par excellence de la ligue. Fait que, tu sais, je veux dire, si t'es pas capable de réussir à trouver le bon moment de maximiser la valeur d'un joueur par excellence dans la ligue, il y a un problème. Ouais. Tu sais, ça, c'est effectivement, ça va rester quand même là comme une erreur. Ça, c'est certain. Mais est-ce qu'ils vont être capables de passer par-dessus ce genre d'erreur-là pour développer? Ça va être à voir sur le long terme. Mais en même temps, en ce moment, là, c'est sûr qu'à Toronto, là, la soupe est chaude. Ah, regarde, la soupe est très chaude, puis les partis des Blue Jays sont furieux, puis avec raison, puis je les comprends parfaitement. On va placer maintenant il y a évidemment les Astros de Houston qui sont les grands gagnants avec l'acquisition de Zach Greinke. Eux, ce sont, Surtout que les Yankees, ce sont vraiment... Ça, c'est la surprise des assises. Pas des assises, mais de la date limite des échanges. Moi, je m'attendais que les Yankees allaient aller chercher au moins un lanceur. La série contre les Red Sox, la semaine passée, a quelque part prouvé hors de tout doute que les Yankees avaient besoin de minimum un lanceur partant encore. Les Astros de Houston, eux, ont bougé, sont allés chez Zach Greinke. Sanchez en relève, moi, parce que je pense qu'ils sont allés chercher pour être le... ils vont refaire le tandem Sanchez-Osuna qu'il y a eu à Toronto. C'est vraiment une c'est les grands gagnants. Et également, il ne faut pas oublier aussi les Braves d'Atlanta avec Alex qui est allé chercher Shane Green et Mark Melanson. Oui, puis dans le cas des Astros, moi, c'est un peu l'exemple que je prends pour les Blue Jays. C'est ce que je peux souhaiter à l'organisation Toronto. Là. Si un jour, là, le cœur de cette organisation-là, les Bichette, les Guerrero et Biggio, tout ça, se développe pour être... Ça ne pourra jamais être aussi bon que ce qu'on a à Houston, mais ne serait-ce qu'une portion d'être aussi bon que les Correa, Altuve, Springer, Bergman et compagnie. Si on est capable d'avoir juste une fraction, ou du moins peut-être le trois quarts du talent que ces joueurs-là ont réussi à atteindre. Mais quand tu regardes la rotation de partant présentement des Astros, tout le monde dit « Regardez, la rotation est incroyable. Garrett Cole, Justin Verlander. On rajoute à ça Zach Greinke. » Il n'y a aucun de ces lanceurs-là qui est venu d'organisation. Comment tu as fait pour aller chercher ces lanceurs-là pour venir complémenter? Ben, bon réseau de filières. Donc, c'est ça que les Jays vont tenter de faire. Même chose avec les Indians. Les Indians, comment ils ont fait, malgré qu'ils n'ont pas une grosse masse salariale, à bâtir cette équipe-là qui s'est maintenue d'année en année. Bon réseau de filières. On a bien développé nos lanceurs. Tous nos lanceurs proviennent de l'équipe. Donc, deux modèles différents. Il y a deux modèles qui ont marché. Fait que ça, c'est ce qu'on peut souhaiter pour les Jays. Dans le cas des Astros, clairement, Greinke, c'était le meilleur lanceur disponible là, parmi les lanceurs disponibles à la date limite des transactions. Clairement, une couche par-dessus les autres. Et dans le cas des Yankees, on peut leur lancer la pierre, mais tu sais, Greinke avait une clause de non-échange à New York. On avait beaucoup parlé de Mike Minor qui est avec les Rangers Texas. Il y avait une clause de non-échange avec les Yankees. Il y a plusieurs lanceurs qui ont des clauses de non-échange pour et que les Yankees ne font pas partie de la liste des équipes qui veulent être échangées. Donc ça, dès le départ, ça lie les mains pas mal de Brian Cashman. Et dans le cas de Stroman, même si plusieurs personnes du côté des Yankees autour de l'organisation disent qu'ils ont fait une meilleure offre aux Blue Jays que les Mets, ça reste que, premièrement, les Blue Jays, pas sûr que tu veux changer Stroman dans ta division. Puis deuxièmement, les Yankees, leur joueur d'avenir, leur joueur de talent, c'est des joueurs de position, puis les Blue Jays, c'est des lanceurs qui veulent aller chercher. Ils voulaient le lanceur le Dominicain là, qu'on dit aussi bien on le compare à Pedro Martinez. Là. Exactement. Et je comprends. Ouais. Ben non. Parce que justement, Stroman, tu disais tantôt, dans le cas de Trevor Bauer, c'est un bon exemple. T'sais, pour nous, ceux surtout qui suivent beaucoup les Blue Jays, Stroman, il a une très bonne saison, mais depuis 2-3 ans, Trevor Bauer est un bien meilleur lanceur que Stroman, surtout au niveau des retros au bâton. Puis c'est ça qui fait la différence dans le baseball actuel. Fait qu'il y a beaucoup d'équipes qui disaient Stroman, là, s'il réussit pas à, tu sais, il est chanceux sur le contact cette année. C'est peut-être ça qui fait la grosse différence. Son BABIP, là, sans rentrer dans le détail, là, mais sa moyenne de balles frappées en jeu est peut-être plus faible que d'autres années. Fait qu'il est peut-être un peu plus chanceux. Il y a beaucoup d'analystes qui disent que les équipes regardaient ça. Donc, n'étaient pas prêts à donner autant que pour Trevor Bauer, qui lui, ben, retire des frappeurs sur des prises. Donc, on dit qu'il va continuer de le faire, fait qu'il y a plus de chances que ses performances se répètent. C'est un peu comme ça qu'ils analysent la situation. Et encore là, pour ce qui est des Yankees, ben, quand tu as les mains liées sur certains gros lanceurs que tu vas aller chercher, ben, il n'y a rien d'autre que les Yankees pouvaient faire. Offensivement, l'alignement, il fait la job. Le personnel de releveur, c'est parmi les meilleurs des majeurs. Fait qu'il n'y a pas nécessairement grand-chose d'autre qu'un lanceur partant. Puis s'il n'y a rien sur le marché qu'ils pouvaient aller chercher, je pense qu'ils ont bien fait de ça. T'sais, j'aurais pas été chercher, exemple, un Stroman pour... mais par contre, il faut dire aussi, ce qui est important de mentionner, le baseball, la série, on demande 5 manches pour lancer partant. Par la suite, la relève est là. On demande la relève de venir et les Yankees sont bien nantis de ce côté-là. Par contre. Oui, exact. Et il va y avoir un retour de blessés pour leur alignement. Donc, je ne suis pas trop inquiet, mais par contre, être un partisan des Yankees, je suis d'accord avec toi, la série de la semaine passée contre les Red Sox, ça a allumé des cloches. J'ai hâte de voir en fin de semaine une super série intéressante. La même série, Red Sox-Yankees, mais du côté du Yankee Stadium, c'est une grosse série pour New York. Si jamais ils gagnent 2 matchs sur 3, ils vont repousser un peu Boston qui fait une poussée pour la division. Puis j'ai beaucoup aimé aussi avec la date limite des transactions. On s'en était parlé la semaine passée. Ce qui est le fun, c'est qu'il n'y en a plus d'autres. Il n'y a plus de possibilité de mouvement en nous. Fait que comparativement au hockey, qui à chaque année, on fait des émissions spéciales d'une journée, puis il se passe absolument rien. Il y avait totalement une raison d'être d'une émission spéciale dans le baseball majeur cette année. C'était incroyable comment il y a eu du mouvement. Tu as parlé des Braves qui sont allés chercher les joueurs qu'ils tentaient d'obtenir, justement, du renfort au monticule, au niveau de la relève. Et il y a eu beaucoup d'autres mouvements, pas toujours des grosses transactions, mais toutes les équipes là, qui ont une chance. Tu as parlé tantôt d'Yasiel Puig. Tu sais, les Indians, ça fait longtemps qu'on cherchait un voltigeur. Les Reds, ils ont placé Bauer pour l'an prochain. Dans cet échange-là, les Padres ont été chercher un des meilleurs espoirs des Reds, qu'eux, ils voient aux chances l'an prochain. Fait que j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup d'échanges aussi pour le futur. Tu sais, les Reds, cette année, ils vont essayer que Bauer de peut-être revenir dans la course, mais ils contrôlent l'an prochain, puis ils ont des bons lanceurs. Fait que d'autres, peut-être qu'ils se préparent pour l'an prochain, ramener un bâton pour remplacer Puig, puis avec Bauer, faire un pas de plus en avant. Tu sais, fait que j'ai trouvé que les Mets également, Stroman, si les Mets continuent à gagner, ils vont peut-être avoir une chance, mais sinon, si l'an prochain, t'as encore Syndergaard, t'as encore DeGrom, t'as juste Stroman, t'as Zach Wheeler. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant de voir qu'il y a des équipes qui étaient buyers, mais pas pour cette année, pour l'an prochain, puis qui échangeaient avec des équipes qui, eux, achetaient pour cette année. C'était vraiment intéressant de voir toute la dynamique au courant de la journée. OK. Abraham, je ne sais pas si tu avais d'autres sujets. Je voulais te parler d'Abraham Toro. Abraham Toro qui a été envoyé dans le 3. Il est très, très près des majeurs. Moi, j'ai été un petit peu surpris qu'Abraham Toro ne fasse pas partie des joueurs échangés moi, par la direction des Astros. Il n'y a pas vraiment de place avec lui. Là. Puis il connaît... Non, mais en même... C'est ça, mais en même temps, puis j'ai trouvé ton point fort intéressant. Mais je suis pas certain. En fait, je suis pas mal certain qu'il était souvent dans les discussions des autres équipes, dans les joueurs qui étaient intéressés à obtenir. Mais je suis pas certain que les Astros étaient intéressés nécessairement à s'en départir. En ce sens que oui, il n'y a pas de place pour l'instant pour lui. Parce que les Astros, c'est une organisation qui est gérée, qui est bien gérée pour l'actuel, mais pour le futur, on pourra probablement pas signer là, tous ces joueurs-là. Oui, on a donné un contrat long terme à Altuve, à Bregman. Mais il y a George Springer qui va sentir. Il y a d'autres joueurs autour qui auront des contrats à signer. Puis c'est le genre de joueur qui va pouvoir peut-être dans un an ou deux venir prendre la place de quelqu'un que tu vas laisser aller qui voulait avoir un 10-15 millions puis tu vas venir sauver en prenant ce joueur-là. Donc j'ai l'impression que c'est un peu la pensée des Astros. Puis ce qui est bon dans le cas de Houston aussi pour compléter sur eux, c'est qu'ils ont réussi à aller chercher Zach Greinke sans sacrifier leur meilleur espoir au bâton et sans sacrifier aussi leur Whistler, leur meilleur lanceur, leur meilleur prospect lanceur. Donc ils ont vraiment réussi sans toucher vraiment. T'sais, on s'aurait attendu qu'une échange pourrait chercher comme un gars comme Greinke, qui doivent sacrifier probablement un de leurs deux meilleurs espoirs. Puis ils sont allés quand même, ils ont sacrifié plusieurs de leurs espoirs là, dans cette transaction-là, mais ils n'ont pas sacrifié le haut. Ils ont sacrifié, ils disaient leur troisième, quatrième, cinquième, puis vingtième, je pense, espoir, mais ils n'ont pas touché aux deux premiers. Donc ça, c'est vraiment bon. Et dans le cas de Toro, ben c'est le genre de gars que. Je suis pas certain que tu aurais pu obtenir beaucoup à l'échanger. Non, mais ça aurait pu être un joueur ciblé par les Blue Jays. En tout cas. Possiblement, mais est-ce que, mets-toi à la place des Astros, est-ce que tu vas vraiment aller donner ce joueur-là contre justement Sanchez, qui on espère y replacer le bras, puis Biagini? C'est là aussi, je pense que du côté, on n'avait pas autant besoin de Sanchez et Biagini que pour aller donner des joueurs. Bruno, on s'en reparle dans deux semaines? Voilà, Bruno Boudreau qui nous parlait de la date limite des échanges.